Marianité et libération camp de concentration. De toute façon, on est condamné à perdre si on joue selon leurs règles. C'est mort d'avance, je viens perpétuer l'œuvre d'Hitler dans l'ordre de succession. C'est moi juste après Karl Denis Nick, la franc-maçonnerie et les incantations du 33ème degré qui me salent maudit. Ça défouraille comme Nomade 88, mais en mieux. Ma musique adoucit les meurtres en plus d'inciter à l'émeute. C'est toujours mieux qu'abrutir les masses à la Hanouna. Tu manges du soleil vert, tu rêves de soleil noir. À Auschwitz, Birkenau, mon amour, les heures les plus claires. De notre ère, la liste des employés. France Inter ressemble à celle de Schindler. Méfie-toi quand il parle de métissage. Quand le turquoise se mêle à la boule, résultat est marronnard. Si les races existent, c'est que c'est la volonté du tout-puissant. Ceux dont ils font l'apologie, un crime contre sa création. Je fais vivre dans un milieu ethniquement homogène. Tant mieux si mon racisme et mon islamophobie les gênent. Droit du sang, strictement. La terre ne ment pas, il était plus que temps de passer au règlement de compte, je suis raffiné. Comme le Reich, pas un barbare comme Fofana. Donc réquisition de tous les wagons bestiaux. Goodbye, Lénine, ici y'a pas de bon goy. Blitzkrieg, t'auras pas le temps de sentir le baiser de la mort.